Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, l'écrivaine britannique Doris Lessing. Est-ce que vous regardez votre travail comme une œuvre? Est-ce que vous êtes heureuse de l'œuvre que vous avez accomplie? Satisfaite de tout? Non. Il y a des choses que je regrette d'avoir écrites. Mais aujourd'hui, je continue d'écrire. Je vois ça comme un continuum. L'écriture, c'est quelque chose d'organique, en quelque sorte. Donc, dans l'ensemble, je suis satisfaite de ce que j'ai écrit. Je crois que j'ai trop écrit, mais d'un autre côté, quelle importance cela a? On peut toujours jeter ce qui n'est pas bon. Doris Lessing, en octobre 2007, au moment où elle se voit attribuer le prix Nobel de littérature, cet épisode du Nobel nous en dit beaucoup sur la personnalité de Doris Lessing. Écoutez, par exemple, l'explication qu'elle donne aux journalistes quant au choix du comité Nobel de lui décerner le prix cette année-là. On s'assoit et on se dit, il y a celui-ci et celui-là, et puis il y a celle-ci, qui commence à devenir vieille, on ferait peut-être bien de lui donner le prix cette année. Sinon, elle pourrait mourir sans qu'on l'ait récompensée. Car vous savez, j'ai 89 ans maintenant, et c'est très, très vieux pour pas mal de choses. C'est la romancière britannique Doris Lessing qui décroche cette année le prix Nobel de littérature. C'est une écrivaine féministe, marxiste-léniniste, anti-apartheid, qui a touché à tous les styles, du roman à la science-fiction. Catherine François nous en parle. You've won the Nobel Prize for Literature. Doris Lessing revenait de faire des courses dans Londres quand on lui a appris la nouvelle. Elle s'est dit ravie. I've won all the prizes in Europe. C'est un flush royal, a-t-elle déclaré, puisque j'ai déjà remporté tous les prix littéraires en Europe. Le comité Nobel a choisi de récompenser, je cite, la conteuse épique de l'expérience féminine, qui, avec scepticisme, ardeur et une force visionnaire, scrute une civilisation divisée. Née en Iran en 1919, d'un père capitaine dans l'armée britannique, elle va passer son enfance en Afrique. Cette expérience teintera d'une encre indélébile une œuvre impressionnante. Une cinquantaine de livres, marqués également par le féminisme. Selon le comité Nobel, son roman « Le carnet d'or », qui lui a donné la célébrité, est considéré comme une œuvre pionnière par le mouvement féministe. Doris Lessing est la 11e femme à recevoir le prix Nobel de littérature. Extrait du téléjournal Midi du 11 octobre 2007, le jour où on apprend que Doris Lessing va recevoir le prix Nobel de littérature. Pour nous parler de la vie, de l'œuvre de Doris Lessing aussi, je reçois la journaliste littéraire Danielle Lorrain, qui est aussi autrice et éditrice. Danielle Lorrain, bonjour. Bonjour, Jacques. Alors, on vient de l'entendre, Danielle Lorrain. En 2007, Doris Lessing s'est vue décerner le prix Nobel de littérature. Ça nous donne déjà une petite idée de l'importance qu'elle a eue. Où la situez-vous personnellement, Danielle Lorrain, dans le paysage littéraire du 20e siècle, Doris Lessing? Ben, c'est vraiment, elle est considérée comme un monstre sacré de la littérature mondiale. Donc, oui, le Nobel, mais aussi, comme elle le disait elle-même, elle a reçu à peu près tous les prix littéraires qu'on puisse imaginer en Europe dans sa vie, une cinquantaine d'ouvrages. On en parlait un petit peu plus tôt, donc ce livre, Le carnet d'or, qui est peut-être son chef-d'œuvre, qui est paru en 1962, qui va être traduit à travers le monde et qui va vraiment être considérée comme une bible féministe. Donc, c'est une écrivaine engagée, politisée, on le disait aussi, anti-apartheid, anti-colonialisme, membre du Parti communiste. Elle a milité, en fait, dès les années 50 contre l'armement nucléaire. Elle a dénoncé dans les années 80 la présence des Soviétiques en Afghanistan, la guerre en Irak, etc. En fait, toutes les formes d'injustice, elle les a dénoncées et c'est vraiment présent, je dirais, dans son œuvre même. C'était une anticonformiste aussi. Oui. Hein? Elle méprisait les conventions. Elle avait même refusé d'être anoblie par la reine. Un personnage vraiment, puis on l'a entendu là, dans les extraits du début, un personnage haut en couleur. On l'a parfois comparé, Doris Lessing, à Marguerite Duras. J'étais assez curieux de vous entendre là-dessus parce que vous la connaissez très, très bien, la vie et l'œuvre de Marguerite Duras. Qu'est-ce que vous pensez de cette comparaison-là? Ben, je trouve ça drôle, mais en fait, c'est vrai que d'abord, elles sont de la même génération. Elles ont ni plus ni moins traversé le 20e siècle toutes les deux. Et en fait, la grande particularité, c'est que toutes les deux ont grandi en dehors du pays d'origine de leurs parents, donc dans les colonies, avant l'indépendance. Et dans les deux cas, ça a forgé complètement leur personnalité, mais aussi leur imagination. Donc, Doris Lessing, qui est née en Perse, mais qui a surtout grandi en Rhodésie du Sud, avant de s'installer à Londres. Duras, qui est née en Indochine, qui a quitté le Vietnam à l'adolescence pour aller s'installer en France. Dans les deux cas, elles sont devenues écrivaines sur, je dirais, la terre de leurs parents. Elles ont connu toutes les deux donc la vie sauvage, la nature sauvage et la liberté dans la brousse. Et donc ça, c'est très, très présent dans les œuvres de ces deux autrices, quoi. Oui, mais ça s'arrête là. Pour le reste, chacune a son style bien à elle. Vous l'avez rencontrée, Doris Lessing, à Londres en 2007, quelques mois seulement avant qu'elle ne reçoive justement le Nobel de littérature. Daniel, parlez-moi d'elle, de la femme qu'elle était, du souvenir que vous gardez de cette rencontre. Écoutez, c'est une rencontre très marquante pour moi pour toutes sortes de raisons. D'abord, évidemment, j'étais très impressionnée d'aller la rencontrer chez elle à Londres. Ça faisait en fait plusieurs mois que j'essayais de la rencontrer. C'était compliqué. On dit souvent que voir des écrivains ou des artistes en vrai, quand on les admire, on risque d'être déçu. Eh bien, je dois vous dire que sur le coup, j'ai été très, très, très déçue. Elle était antipathique, vraiment. C'est comme si elle me faisait passer un test constamment. Bon, elle a publié une cinquantaine de livres. Moi, je l'ai rencontrée juste un peu avant qu'elle ait le Nobel. Elle en avait peut-être publié, je ne sais pas, 40, 45. J'en avais lu quoi, peut-être une dizaine. Mais là, pour elle, elle me nommait toujours des titres que je n'avais pas lus. Puis elle me disait, ah ben là, si vous n'avez pas lu, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, ma petite. Et tout ça dans un anglais parlé très, très vite, un accent à couper au couteau. Et son allure aussi, c'est vraiment comme une vieille hippie, là, sandales usées aux pieds avec les bas, le chignon blanc, le fouillis total autour d'elle. Mais cela dit, elle a toute faim. En fait, j'ai quand même passé 2 heures. Elle a fini par répondre à mes questions. Mais elle a toute faim. Elle m'a parlé de son fils qui était diabétique, très malade, qui était à l'hôpital. Il avait fait une chute. C'est le fils qu'elle a élevé toute seule. Elle s'est montrée extrêmement sensible, émue, les larmes aux yeux. Et là, j'ai vraiment eu l'impression que je touchais à la femme, vraiment. La rencontre a fini par se faire. Parlons de son œuvre, une œuvre qui est assez largement biographique, puis ça s'explique quand on connaît un peu son parcours de vie. Commençons par là, justement. Quel genre de parcours a-t-elle? Parlez-nous de sa jeunesse, de son parcours de vie, de ce destin assez exceptionnel. Tout à fait. Donc, elle est née sous le nom de Doris May Taylor le 22 octobre 1919. Donc, on le disait plutôt dans l'ancienne Perse, devenue l'Iran. En fait, son père, à l'époque, travaillait comme banquier. Elle va avoir un frère de 2 ans, son cadet, mais pas de très bonne relation avec lui, jamais. Il était le préféré de la mère. Et donc, au milieu des années 20, la famille va s'installer en Rhodésie du Sud, donc le Zimbabwe actuel. La famille s'installe sur une ferme. Le père veut faire fortune dans l'agriculture, mais il n'y connaît rien. C'est un ancien soldat. Ensuite, il veut devenir chercheur d'or, mais encore là, ça ne fonctionne pas. Donc, la famille va vivre assez pauvrement, un peu comme la famille de Marguerite Duras, si vous voulez, sauf que dans le cas de Duras, le père est mort alors qu'elle était enfant. Là, le père, il est là, mais le père, autant que la mère, sont marqués par la Grande Guerre de 14-18. Aujourd'hui, on parlerait de choc post-traumatique. Le père a perdu une jambe. La mère était infirmière. C'est elle qui l'a soignée à l'hôpital. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Mais elle-même avait été marquée par tous ces soldats qu'elle avait vus mourir. Bref, elle grandit, Doris, avec un père qui parle constamment de la guerre. Il souffre de diabète sévère. Il est dépressif. La mère est dépressive aussi. Donc, elle va dire plus tard, « J'étais une enfant perturbée, ultra sensible. » Et je pense que mon mal-être tenait beaucoup du fait que mes parents n'arrêtaient pas de parler parler de cette guerre, oui, donc qui les avait traumatisés. Elle va parler beaucoup de ses parents d'ailleurs, hein, dans ses livres, dont un de ses livres, Fille impertinente, où elle règle ses comptes avec sa mère, avec qui elle avait des rapports très tendus. Elle va en parler dans son autobiographie en deux tomes, Dans ma peau et La marche dans l'ombre, oui, et dans un livre fascinant qui s'appelle Alfred et Émilie, qui est paru après le prix Nobel, et elle réinvente la vie de ses parents s'ils n'étaient pas allés à la guerre. Ah bon? Quel destin heureux aurait-il eu? C'est tout dire, hein, la place qu'elle, oui, s'occupait. Elle se marie deux fois avant de débarquer, oui, à Londres. Oui, la première fois à 19 ans avec un fermier rhodésien. Donc, ils ont deux enfants, mais ils se divorcent. Ensuite, elle se marie avec un communiste allemand du nom de famille de Lessing, qu'elle va adopter. Elle va avoir un fils, donc le fameux fils Peter, qui est né en 1946, qu'elle va emmener avec elle à Londres pour s'installer seule avec lui. Mais elle va laisser derrière elle ses deux premiers enfants qu'elle reverra très peu, en fait, au cours de sa vie. Eh bien... En 1950, fraîchement débarquée à Londres, Doris Lessing publie son premier roman, Vaincu par la brousse. C'est un succès immédiat. On écoute à ce propos Christine Jordis parler de ce roman, des thèmes africains qui abordent Doris Lessing, comme elle va d'ailleurs le faire dans d'autres œuvres, comme Les Nouvelles africaines, par exemple. Extrait de l'émission Doris Lessing, Une vie, une œuvre, diffusée à France Culture en mars 2014. Pour moi, ces premières œuvres de Doris Lessing sont ce que je préfère dans l'ensemble de son œuvre, qui est considérable, et c'est difficile d'établir une hiérarchie. Mais je dois dire qu'en relisant Vaincu par la brousse et Les Nouvelles africaines, j'ai été absolument émerveillée, et je trouve que ce sont d'absolus chefs-d'œuvre qu'il faut recommander au lecteur de lire toutes affaires cessantes. Les Nouvelles africaines, évidemment, sont... pénétrée par l'atmosphère de l'Afrique, par la réalité africaine, par le problème des relations entre les Noirs et les Blancs. Mais il y a bien d'autres choses aussi. Il y a une psychologie profonde des personnages, des Blancs dans une terre qu'ils ne connaissent pas, où ils sont finalement malheureux, égarés et apeurés surtout. Quant à Vaincu par la brousse, c'est un livre que je trouve de bout en bout extraordinaire. Le matin, je me réveillais avec la lumière du jour, sentant la chaleur du soleil sur mon visage. Je faisais la chasse aux araignées et aux scarabées accrochés au tulle, puis je me levais d'un bond pour le nouer en l'air. Je me laissais retomber sur le dos, bras et jambes écartés, repoussant les draps, respirant toutes les odeurs délicieuses de la pièce. D'abord, les différentes parties de mon corps, aux parfums familiers. C'est un passage du premier tome des Nouvelles africaines lu par Françoise Lebrun que vous entendiez à la fin de cet extrait. Parlons donc, Daniel Lorrain, de ce premier roman de Doris Lessing, Vaincu par la brousse. Elle le publie en 1950, mais aussi des Nouvelles africaines qui paraissent, elles, dans les années 60, des œuvres vraiment au cœur desquelles se retrouve l'Afrique. Mais commençons, Daniel, par Vaincu par la brousse. Quelle importance a pour elle ce premier roman? C'est le roman qui va vraiment lancer sa carrière, qui va connaître un grand succès. La critique à l'époque va saluer la profondeur psychologique et la maturité de ce premier roman. Bon, l'action se situe en Rhodésie. On est à la fin des années 40. Évidemment, tension raciale. Et c'est l'histoire d'une jeune blanche qui épouse un fermier. Mariage malheureux, sans amour. Et la jeune femme va bientôt entretenir une relation ambiguë avec un domestique noir. Et puis, on va découvrir le corps sans vie de la femme. En fait, par le biais de cette histoire, c'est vraiment un portrait de la société coloniale de l'époque que trace Doris Lessing. Et elle met vraiment le doigt sur les ravages du colonialisme en Afrique. D'ailleurs, quand le livre va sortir et qu'il va avoir quand même beaucoup de succès, la mère en aura écho. Elle dira qu'elle est outrée de la façon dont sa fille traite les Blancs dans ce roman. Mais ça ne va pas empêcher, évidemment, Doris Lessing de continuer. Donc, on parlait des Nouvelles africaines. Elle poursuit donc son exploration de l'oppression raciale. Et puis, il y a une saga qu'elle a écrite qui est vraiment d'inspiration autobiographique, qui s'étend sur plusieurs tomes, et c'est Les enfants de la violence. Ouais. Alors là, c'est vraiment intéressant. On pénètre à l'intérieur de la mentalité d'une jeune adolescente qui vit en Afrique du Sud et qui lutte pour trouver sa place dans un monde où les femmes n'ont pas leur place et qui va se battre aussi contre le colonialisme, le racisme. Et en fait, c'est vraiment la constante dans sa vie. Je dirais que non seulement elle en parle dans ses romans, elle va militer de telle sorte, elle va militer activement contre le colonialisme et le racisme de telle sorte que en 1956, elle va être interdite de séjour en Rhodésie, en Afrique du Sud. Elle ne pourra pas aller là pendant près de 30 ans. Elle y mettra les pieds dans les années 80-90 et puis encore dans les années 2000, au début des années 2000, alors qu'elle s'en prend vraiment au régime de Robert Mugabe, ben voilà, elle est encore déclarée indésirable au Zimbabwe. Vous savez qu'elle a été, bon, on parlait de son implication au Parti communiste, elle est allée en Union soviétique avec des écrivains, rencontrer des écrivains soviétiques, et on a appris qu'elle aurait été espionnée par les services de secret britanniques pendant près de 20 ans. En fait, avant même de quitter la Rhodésie où elle fréquentait déjà des communistes. Ouais. Donc voilà pour et c'est un gros chapitre de sa vie, mais ces écritures africaines, appelons ça comme ça. 62, elle publie, on y revient, Carnet d'or, qui est vraiment considéré comme son grand chef-d'œuvre. Les quatre carnets étaient identiques. Ils mesuraient environ 10 cm de côté. Leur couverture luisait comme de la soie bon marché. Ne se distinguaient que par leurs couleurs, noir, rouge, jaune, bleu. Au vu de la première page, il apparaissait que l'ordre n'avait pas dû s'imposer tout de suite. Chaque carnet portait en première page des griffonnages interrompus, des phrases inachevées, puis un titre suivait, comme si Anna s'était presque automatiquement partagée en quatre, avant de donner un nom à chaque compartiment en fonction de ce qu'elle y avait écrit. Et c'est précisément ce qui s'était produit. Le premier carnet, celui qui était noir, commençait par de petits dessins, des symboles musicaux, épars, des clés de sol, qui se transformaient en livres sterling, redevenaient des clés de sol, puis un motif assez compliqué de cercles enchevêtrés, et puis des mots. Noir, sombre, il fait si sombre. Il fait sombre, il y a une sorte d'obscurité ici. Et puis d'une écriture différente, affolée. Chaque fois que je m'assieds pour écrire, que je laisse mon esprit vagabonder, les mots, il fait si sombre, ou quelque chose d'analogue. Geneviève Brisac lisant un extrait de Carnet d'or à l'émission La Grande Table diffusée à France Culture en 2011. C'est donc en 1962, Daniel Lorrain, que Doris Lessing publie Carnet d'or. Pourquoi est-ce que c'est un livre si important? Bien d'abord, vraiment, c'est reconnu comme son chef-d'œuvre parce que c'est une entreprise romanesque ambitieuse. En fait, la narratrice, Anna, dont on parlait à l'instant, est une écrivaine. Elle souffre du syndrome de la page blanche. Elle veut faire la synthèse de sa vie, mais elle a l'impression que tout lui échappe, qu'elle ne comprend plus rien à rien. Et donc, elle tient son journal, mais en plusieurs carnets, donc de couleurs différentes, chacun sur un thème différent. Donc, le noir pour le travail littéraire, le rouge pour l'engagement politique au Parti communiste, le jaune pour sa vie intime, le bleu, c'est une espèce de dévidoir de l'introspection, et il y a le carnet d'or qui donne son titre au livre, et là, grâce à ce carnet, la narratrice retrouve l'énergie pour écrire. Donc, c'est tout à fait innovateur dans sa forme même, Jacques. Oui, et ça va être un immense succès. Vous le disiez, plus qu'un succès, vous le disiez au tout début de l'émission, ce sera vu comme une sorte de bible féministe, ce livre-là. Pourquoi? Bien, parce que en fait, ça raconte de façon fragmentaire la quête d'identité d'une femme, mais dans toutes ses déclinaisons intimes, sociales, politiques. Et donc, par le fait même, on peut dire que ça évoque la condition des femmes sous divers aspects. Et puis, il faut dire aussi que Lessing aborde de front des sujets jugés tabous à l'époque, les menstruations, les orgasmes, la frigidité. Et donc, voilà ce qui explique que c'est devenu une référence pour les féministes, mais ça n'a pas été immédiat. Ça a été mal reçu d'abord, ça a été très long avant qu'on le publie en France, seulement en 76, ensuite en Allemagne, en Scandinavie. Là, ça va faire le tour du monde. Ce qui est intéressant, c'est que déjà en 1971, quand elle réédite ce livre Carnet d'or, elle reconnaît, Doris Lessing, oui, que le livre a connu un grand succès, mais elle dit que c'est un malentendu parce que pour elle, ça ne devait pas être considéré comme un pamphlet féministe. Elle écrit dans cette préface « J'ai toujours voulu décrire mon époque, les années 50, l'après-guerre, les dernières années de Staline, vues d'Angleterre, comme le fit Tolstoï pour la Russie ou Stendhal pour la France. » Mais, dit-elle, cette tentative suppose que ce filtre que constitue le regard d'une femme sur le monde ait la même valeur que le filtre masculin. Bref, elle n'a pas apprécié qu'on l'envoie dans un moule féminin ou féministe. Elle voulait être universelle. Oui. On a parlé de ce grand chef-d'œuvre, Carnet d'or, de ses œuvres plus, entre guillemets, plus africaines. Elle va, et ça fait partie de ce qui la distingue, elle va avoir une écriture, une œuvre très multiple. On passe, par exemple, avec Doris Lessing, du roman biographique au récit de science-fiction. Parlez-nous de cette œuvre-là, Daniel Lorrain, et de ce qui l'intéresse, Lessing. Oui, donc des romans, des nouvelles, mais aussi des recueils d'essais, de poèmes, des contes, du théâtre et son autobiographie. Vraiment, je le souligne, Dans ma peau et La marche dans l'ombre, qui est à lire absolument. Et puis, des ouvrages de science-fiction, une première série qui commence en 1979 avec Canopus. Et puis, toujours dans la science-fiction, un roman, Mara et Dan, vraiment paru en 1999. Écoutez, c'est un roman d'anticipation. Et là, on voit vraiment les préoccupations écologiques de Doris Lessing. Alors, la planète est complètement déréglée, déplacement de population, sécheresse, rien à manger, la guerre partout. Et en fait, le seul espoir dans cet univers apocalyptique, ça demeure l'amour. L'amour entre un frère et une sœur, donc Mara et Dan. Donc, vraiment, ça, c'est un de ses romans à lire en science-fiction, mais il y a aussi son dernier, si je puis me permettre, en fait, pas son dernier, mais celui qu'elle a publié à 84 ans, Les Grands-Mères, qui est complètement irrévérencieux et qui est complètement délicieux. Ouais. Un petit mot sur son héritage. En terminant, Daniel Lorrain, elle meurt, Doris Lessing, en novembre 2013. Quel héritage nous laisse-t-elle? Une œuvre donc immense, diversifiée, vous le disiez, lue, étudiée à travers le monde. Une œuvre universelle dans laquelle on sent en fait les contradictions qui habitent tout être humain. Mais en plus, c'est une femme et il y a cette condition des femmes à travers les époques et les continents qui fait partie de son univers littéraire et ça reste tout à fait actuel. C'est un modèle de détermination, d'indépendance, d'engagement, Doris Lessing. Évidemment, ses prises de position contre le racisme demeurent tout à fait d'actualité, de même que son souci pour la paix dans le monde et son souci pour un environnement plus sain, plus écologique. Voilà, c'est tout à fait encore d'actualité à lire aujourd'hui. Daniel Lorrain, c'est toujours un plaisir, journaliste littéraire, éditrice, autrice. Merci beaucoup, Daniel. Merci à vous, Jacques. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.